فأما المواشي دونك كانتو زانيمو فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها. Alors, la zakat obligatoire dans trois catégories, dans trois espèces, parmi elles, parmi ces animaux. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas tous les animaux. On sort quelqu'un qui a 1000 poules, il ne sort pas de zakat par rapport aux poules. D'accord? Même si, de cette manière. Sauf si elles sont pour la vente, il va sortir là ces 2,5%. Mais pas par rapport à ce qu'on va voir. Parce que quand c'est des animaux, comme on voit pour les moutons ou autres, ce n'est pas 2,5% qu'on sort des animaux, mais c'est quelque chose d'autre. C'est un autre calcul. Wahia, donc elles sont ces trois catégories. Awalan el ibil, donc les chameaux. Les chameaux, on sort la zakat si on possède des chameaux. On va voir à partir de combien de chameaux. Thanian, hein. Deuxièmement, wal bakar. Là, le bakar, ça englobe les vaches et bien sûr les taureaux. D'accord. C'est tout ce qui est donc bovin. Oui, parce qu'il y a ovin et bovin. Bovin. Et ça. En adotation, sachez-le, Waljamous fi hukm al-bakar ijma'a. Et le Jamous, alors en arabe, le Jamous, c'est ce qu'on appelle le buffle. Par exemple, en Égypte, il y a des buffles. C'est-à-dire que c'est un peu comme ça ressemble beaucoup aux, comment dirais-je, aux vaches, mais ils ont des cornes très longues et ils ont une colonne vertébrale qui ressort beaucoup. D'accord. C'est ce qu'on appelle le Jamous. Ça fait partie des vaches. D'accord. Ijma'a, par unanimité. La troisième catégorie, Walranam. Alors, Walranam, ça englobe les moutons et les chèvres. Donc là, c'est possible qu'en français, c'est ce qu'on appelle ovin. Wallahu ta'ala a'lam. D'accord. Al-Ranam, al-Katir min al-Marz wa Dhan. Ranam, ça veut dire quoi? Donc, c'est ce qui fait partie de al-Marz, les chèvres, wa Dhan et les moutons. Donc, tout ce qui est d'espèce de la chèvre ou de l'espèce des moutons, ça rentre dans ce qu'on appelle al-Ranam. Et donc là, il y a une zakat à sortir. Et on va étudier, Inch'Allah, comme je vous l'ai dit, comment on sort la zakat. Comment? Parce que ce n'est pas 2,5%. Hein. Ensuite, l'imam Abu Shuja'a, rahimahullah, a dit « Wa shara'itu wujubiha sittatu ashiya » Et les conditions de son obligation sont six choses. Ça veut dire que la zakat est obligatoire s'il y a six conditions qui sont remplies. Là, ça devient obligatoire. Al-Awal, donc la charte Al-Awal, la première condition, Al-Islam, l'Islam, c'est-à-dire qu'un kafir, un mécréant, par exemple dans un état islamique, un mécréant qui possède, on va dire, 1000, on va s'appeler comme beaucoup, 100 chameaux, il n'a pas de zakat à sortir. Par contre, si c'est raté un musulman, il y a une zakat à sortir, d'accord? Donc on ne va pas voir le mécréant, chrétien ou juif par exemple, qui habite dans un pays musulman, et lui dire, tu dois sortir, tu dois donner de tes chameaux comme les musulmans. Non! Ce sont les musulmans qui sortent la zakat. La zakat, c'est une adoration. Allah accepte l'adoration. Il n'accepte pas l'adoration des mécréants. Donc, on leur demande rien. Et Allah ne l'a rendu obligatoire sur terre qu'aux musulmans. Donc, ils n'ont pas de zakat à donner les gens de la mécréance quand ils sont dans un état islamique par rapport à la zakat. Par contre, comme on verra dans le chapitre du djihad, ils donnent ce qu'on appelle al-jizya. D'accord, la capitation. Et contrairement à ce que disent certains, ce n'est pas l'équivalence de la zakat. Ça n'a rien à voir. Ça, ce sont à notre époque certains qui veulent absolument faire plaire aux mécréants. Non, non, la jizya, ce n'est pas une compensation de la zakat, d'accord? C'est autre chose. C'est pour avoir un pacte avec les musulmans afin de ne pas être agressé. Ça n'a rien à voir avec le but de la zakat. La jizya n'est pas une zakat. Deuxième condition pour que la zakat soit obligatoire, wal hurriya, la liberté, être libre. Ça veut dire quoi? Comme on en parlait hier, être libre, ça veut dire que si le musulman doit donner une zakat, à condition qu'il soit libre. C'est-à-dire que s'il est esclave, il n'a pas de zakat à donner. Mais on peut le comprendre aussi parce que le fait qu'il ne lui-même ne s'appartient pas. Il appartient à son maître qui le possède. Comme quand on l'avait dit hier, l'esclavage est tout à fait halal, de ce qu'il y a de plus halal dans l'islam, jusqu'au jour de la résurrection, qu'en déplaise aux ignorants et aux monafikoun. Donc ceux qui sont ignorants et qui ne savent pas, bah, renseignez-vous bien. Comme je l'ai dit hier, lisez le Coran, vous verrez que l'esclavage est cité, ce n'est pas interdit, ce n'est même pas blâmé, ce n'est même pas makrouh. Le prophète le pratiquait, il est mort en le pratiquant, et le sahaba le pratiquait même après sa mort. Et dans tous les livres de fiqh de n'importe quelle école, parmi les quatre écoles que j'ai citées, ou pendant l'école Zahari, c'est tout à fait autorisé, et il n'y a aucun texte et aucun ijmar qui abroche ceci. Et si quelqu'un qui se prétend de la science qui dit que l'esclave a été abrogé, eh bien il a renié ce que Allah a rendu halal, et donc il a fait du kufr parce qu'on appelle al-istihlal, c'est-à-dire qu'il a rendu, il va rendre haram ce que Allah a rendu halal, wa la yadu billah. Par contre, si c'est un musulman qui est, on va dire, qui vit en France, et qui dit non, l'esclavage c'est interdit en islam, on ne fait pas un takfir sur lui parce qu'il n'a pas, il a pas assez de connaissances, donc là on va l'informer. D'accord, mais si après il persiste, après avoir été informé, on vous fait lire quelques versets qui parlent de l'esclavage, comme par exemple les compensations, où il faut, comment dirais-je, des fois, affranchir un esclave si on fait tel péché pour s'affranchir, ça implique qu'il y a des esclaves. Sinon, si l'esclavage était aboli, il n'y aura pas d'esclaves à affranchir, etc. On lui fait lire des paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi il parle de l'esclavage, il n'y a aucun problème, ou tous les livres de fiqh. Voilà. Troisième condition pour que la zakat soit obligatoire, ou al milku tam, et la possession tam complète. C'est-à-dire qu'il faut que sa personne possède, par exemple, que ce soit de l'or, de l'argent, des chameaux ou autre, comme on va voir, une possession qui soit complète. C'est quoi al milku tam? C'est le contraire de al milku darif. La possession, c'est pas al malik, hein, al milk, la possession, al darif, faible. La zakat afi. Donc il n'y a pas dans la possession faible, il n'y a pas de zakat. C'est-à-dire, c'est quoi? Qu'un mouchtari, ça c'est des notations que moi je lis, hein, qui ne sont pas dans le matin. Qu'un mouchtari, comme celui qui a acheté quelque chose avant qu'il le prenne. Parce que ça, on va étudier dans le chapitre, Inch'Allah, dans le chapitre de la vente. Pour qu'une chose vous appartienne vraiment, quand vous achetez quelque chose, il faut faire ce qu'on appelle un kobd, c'est-à-dire qu'il faut la saisir, cette chose-là. Sinon, en fin de compte, la possession n'est pas complète, parfaite. C'est-à-dire, quelqu'un qui a acheté, on va dire, 100 chameaux, mais qui n'a pas pris possession, c'est-à-dire qu'il les a pas pris, c'est-à-dire qu'ils sont toujours chez le vendeur, eh bien, il n'a pas ce qu'on appelle al-milk tam, la possession qui est parfaite. Et donc, s'il reste une année lunaire chez le vendeur, eh bien, il n'a pas de zakat à sortir, suivant cet avis. Ça, c'est par rapport, je dis suivant cet avis, parce que dans notre, comment dirais-je, dans un autre avis, c'est obligatoire et c'est dans le nouveau El Jadid. Alors là, c'est un terme technique que peut-être certains de vous le savent. Là, on est dans le fiqh al-Shafi'i, d'accord. Et des fois, dans tous les mazhabs, des fois, ils ont des termes techniques qui sont propres à eux et qu'il faut savoir. Dans le mazhab al-Shafi'i, quand on dit al-Qadim, l'ancien, et quand on dit al-Jadid, c'est par rapport à ce que l'imam al-Shafi'i, rahmahullah, a eu comme avis. Il y a ce qu'on appelle, il a eu son mazhab ou son avis ancien, qui était à l'époque, jusqu'à ce qu'il était en Irak. Et quand il était en Égypte, et qu'il est mort d'ailleurs là-bas en Égypte, rahmahullah, quand il est en Égypte, il a beaucoup de choses dans son fiqh et dans Usul al-Fiqh, enfin beaucoup, certaines, pas la majorité, mais certaines choses qu'il a changées. Et là, on dit que il a eu donc un deuxième avis, un deuxième mazhab, entre guillemets, sur ce qu'on appelle al-Jadid. Pourquoi? Parce que à son époque encore, les hadiths se rassemblaient, donc il a eu des connaissances des hadiths qui étaient en Égypte, qui n'étaient pas en Irak ou à la Mecque ou à Médine, là où il était avant, etc. D'accord? Et qu'il avait aussi changé certaines choses dans son Usul al-Fiqh. Donc, comme certaines règles ont changé, eh ben, son appel al-Furur, donc les ramifications, ont changé aussi. C'est-à-dire que la parole comme quoi il n'y a pas de zakat à payer si ce n'est pas une possession complète, c'est la vie ancien de l'imam al-Shafi'i, rahmallah, et son dernier avis, le dernier avis qu'il a eu, comme quoi, eh ben non, il doit quand même donner la zakat si même il n'a pas la possession complète. Voilà. Quatrième condition pour que la zakat soit obligatoire, wan-nisab. Alors, wan-nisab, c'est-à-dire que c'est la part. C'est-à-dire qu'il faut une part spécifique. C'est-à-dire quelqu'un qui a un chameau ou deux chameaux, comme on verra, il n'a pas de zakat à payer. Il y a une part. C'est comme pour l'or. D'accord? Quelqu'un qui a 3 grammes d'or, il n'a pas de zakat à payer. On verra à partir de combien on paye la zakat. D'accord? Ça va venir en détail, Inch'Allah. Cinquième condition pour que la zakat soit obligatoire, wal-haoul. C'est pas le haoul, wal-haoul. El-haoul. El-haoul, c'est quoi? C'est l'année lunaire. D'accord? L'année lunaire, el-haoul el-qamari. Car comme vous savez, nous musulmans, nous prenons, les calendriers et tout ça, nous les prenons en année lunaire, pas en année solaire. C'est pour ça que vous remarquez que le mois de Ramadan, chaque année, avance ou recule, ça dépend d'où est-ce qu'on se prend, d'environ 11 jours. Et c'est pareil pour le Hajj. Pourquoi? Parce que c'est par rapport le jeûne du mois de Ramadan, comme je le dis, c'est le jeûne du mois de Ramadan. C'est un mois qui s'appelle Ramadan. Et le Hajj, il se fait dans un mois qui s'appelle Dhul al-Hijja, qui est après Dhul al-Qarda. Ou Al-Qarda, on peut dire les deux. Al-Qarda ou Al-Qarda, d'accord. Et les années lunaires, elles ont cette spécificité, c'est d'être plus courtes que les années solaires. C'est pour ça donc qu'elles se décalent. Et elles sont donc d'une année environ 11 ou 12 jours environ plus courtes qu'une année solaire. Ce qui veut dire que quand une année lunaire est passée sur une part, eh bien il faut sortir la zakat. Et donc il ne faut pas prendre, comment dirais-je, en considération, quelqu'un qui va dire je vais sortir ma zakat le 1er mars de chaque année. C'est faux. C'est faux. Il va faire, et à un moment donné, il va faire un péché. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il va à chaque fois reculer sa zakat. D'accord? Au bout de 10 ans, il aura une année de retard. Calculez bien. Au bout environ de 10 ou 11 ans, il aura une année de retard. Parce qu'à chaque fois, s'il prend l'année solaire, il y aura 10 jours, enfin 11 ou 12 jours environ, qui vont être en moins, qu'il aura dépassé. C'est pour ça qu'il faut prendre une journée, un jour précis de l'année lunaire. Soit vous prenez par exemple le premier jour du mois de Ramadan, ou le dernier jour de Ramadan, ou le jour de Arafat, un jour qui de l'année et qui revient, et donc que vous savez. Parce que si vous prenez par exemple le dixième jour du mois de Safar, beaucoup ne savent pas quand est-ce que le mois de Safar, et encore moins le dixième jour. Donc ça va être difficile. Donc prenez un jour précis d'un mois qui est connu. Comme par exemple le mois de Ramadan ou le mois de Dhul al-Qa'da, c'est-à-dire là où il y a le Hajj, d'accord. Et quand, et chaque année là, ce jour-là, vous sortez votre zakat, que ce soit de l'or ou de l'argent, ou des animaux, ou des zurur, ou samar, c'est-à-dire que de la culture, ou les fruits, ou l'eau de tijara, ou ce qui est mis à la vente. J'espère que j'ai bien été clair sur ça. C'est Al-Hawl, hein, c'est l'année lunaire. C'est, il faut qu'une année, une année lunaire révolue passe sur l'argent qu'on a, et une fois que l'année lunaire est passée, là on sort la zakat. Pas une année solaire, faites attention à ceci. Sixièmement, wassaum. Alors c'est pas wassaum avec un sod, mais wassaum avec un sin, qui est tout à fait différent, c'est un entre saum et wassaum. D'accord. Alors, c'est quoi saum ou ar-ra'i? C'est le fait de pour les animaux, c'est ça, c'est spécifique aux animaux, d'accord. Là, on est toujours dans les animaux, hein, les conditions de l'obligation. Là, c'est les conditions d'obligation de la zakat pour les animaux. Hein. Les six choses qu'on est en train de citer. D'ailleurs, on est au sixième. Saum, c'est le pâturage, c'est-à-dire que l'animal mange dans les pâturages, c'est-à-dire que ce n'est pas un fourrage, c'est-à-dire que celui qui possède ces animaux n'achète pas la nourriture des animaux, mais c'est les animaux qui vont se nourrir dans un pré ou dans la montagne ou autre, d'accord. Et là, il y a une limite qu'on va donner. فَلَعُرِفَتْ الْمَشِيَةُ مُعْظَمَ الْحَوْلِ فَلَا زَكَى اي اكثر من نفس الحول. Donc là, on va donner une limite. Celui qui, donc les bêtes qui sont nourries, c'est-à-dire qui sont, dire que la leçon, le possesseur, il va acheter de la nourriture, d'accord. Donc il va se surcharger. C'est-à-dire que il laisse ses animaux paître dans la prairie ou autre, il n'achète pas de nourriture. Mais celui qui va acheter de la nourriture, il va acheter du foin, il va acheter des granulés ou autre, d'accord, qui va acheter de la nourriture, le plus, c'est-à-dire que la majorité de l'année lunaire, on est toujours en année lunaire, d'accord, alors il n'y a pas de zakat. C'est-à-dire aksaru minas nefsel, c'est-à-dire celui qui, plus que de la moitié de l'année lunaire, il va acheter des aliments pour ses animaux, alors il n'a pas de zakat à donner. Il n'a pas de zakat à donner. Mais si jamais c'est moins que la moitié, d'accord, ou la moitié ou moins, et bien là il faut qu'il paye la zakat. D'accord. Ensuite, alors pour je vais juste donner une indication. Ah, donc c'est là, ça sonne comme